par-delà la fenêtre, la ville s'endort. Je serai sans doute mieux dehors. Par-delà la fenêtre, les rues m'invitent à déambuler. Le ventre gonflé de liberté. Par-delà la fenêtre, quelqu'un m'attend. Une avenue bordée de soleil. Chahute le crépuscule. Étoile à trébucher sur le clocher, sonnant sur la place une heure improbable. Par-delà la fenêtre, sûrement quelqu'un m'aime. On se crée les sourires inavoués. Je te laisse toute ma vie. Moi je m'enfuis. Je m'enfuis par-delà la fenêtre. Je m'enfuis. Pesanteur. La ville s'est endormie, a abandonné ses rues à la nuit, n'a laissé que ton reflet sur la fenêtre. Je te laisse toute ma vie. Moi je m'enfuis. Je m'enfuis.